sors du brouillard, à tout petit pas, nous y voilà, nous y voilà. Bonjour, ben, je crois que ça y est, nous sommes on air, j'attends vaguement confirmation, mais enfin je ne doute de rien, surtout que les programmes qui nous attendent aujourd'hui sont particulièrement savoureux. Tout va bien fonctionner. Bonjour à tous les auditeurs de Pinot. Il est très heureux que cette nouvelle édition de Cargo Culte vous enchante. C'est déjà la cinquième. Et il était temps, pour la première fois, on va parler d'une femme. Oui, merci, je sais, j'ai tardé. C'est pas bien. Alors, une femme, pas la moindre. Lydia Lunch et son extraordinaire premier album, Quinacia. Alors Lydia Lunch, de toute façon, est une femme extraordinaire. Toute sa carrière le montre et elle court jusqu'à aujourd'hui. Mais Queen of Siam, qui est signée en 1980, et en plus que le portrait d'une femme, et une femme qui va être en devenir, hein, avec une expression radicale qu'on va lui découvrir, j'en parlerai rapidement, c'est aussi l'album culte d'une époque. La dite époque no-wave new-yorkaise qui s'émancipe sur les cendres encore chaudes du punk. Hein. Et dans ce contexte, ce New York bouillonnant dès la fin des années 70, c'est cette espèce d'après-punk, mais aussi cette humeur punk aussi qui fait la mythologie de New York. Lydia Lunch y débarque en leur fuyant son l'état new-yorkais, la ville de Rochester où elle grandit, et dans des conditions enfin plus que tourmentées, quoi. Les démons de son enfance la poursuivront toujours, et elle avouera d'ailleurs plus tard avoir été abusée sexuellement par son père, et ce dès l'âge de 6 ans. De fait, Lydia Lunch n'aura que de cesse de régler son compte avec les hommes, elle l'avoue, combattre le sexe par le sexe d'une certaine manière. Elle va devenir une créature délicieusement sexualisée, provocante, mais très poète aussi en même temps, et finalement hautement intellectuelle. Dans sa biographie, dans son autobiographie qu'elle publie en 1997, Paradoxia, je vous la recommande, c'est édité, c'est la Musardine qui l'a édité en France, et je pense qu'on le trouve encore. Je vais vous lire juste le premier paragraphe, l'introduction de cette introduction, le premier paragraphe du bouquin, il nous dit tout. C'est Lydia Lunch qui parle. J'ai été tellement malmené par les hommes, un homme, mon père, que je suis devenu comme eux. Tout ce que j'adorais en eux, ils le méprisaient chez moi. Le caractère impitoyable, l'arrogance, l'obstination, la distance et la cruauté, ma nature froide et calculatrice qui n'entendait que ma propre raison. Inconsciente de ma brutalité, de mon égoïsme à l'égard des autres, j'étais incapable d'assumer les conséquences de mon comportement. J'étais égoïste, égocentrique, sans remords. Un animal mu par l'instinct, marchant à l'intuition, toujours à la recherche de la prochaine proie juteuse, insouciante ou crédule. Mon but était rarement de mutiler ou de tuer, mais toujours de satisfaire. Mes intentions étaient toujours sincères envers moi-même. Voilà, c'est musclé. Et Lydia Lunch s'est donné du coup de poing. En plus, Lydia Lunch est une vraie auteure, vraie autrice. De plus, c'est aussi une vraie chanteuse. Et alors, c'est plutôt sur cet aspect-là que je vais la présenter aujourd'hui. Peut-être même militer pour qu'on reconnaisse à Lydia Lunch le talent d'une chanteuse de jazz, oui, d'une vraie chanteuse de jazz qu'on a plutôt mis de côté. Plutôt, le fait est que sa discographie, elle va plutôt s'exprimer dans un noise rock où elle poussera plus aisément la gueulante que la chantonnante. Nonobstant le fait que Lydia Lunch est aussi une poétesse à l'aise dans le spoken roll, quoi. Dans le spoken word, spoken roll aussi. Donc, il y a une ambivalence un peu constante chez elle, et je vais détailler un petit peu comment. Ambivalence qu'on retrouve d'ailleurs complètement traduite, donc, dans l'album Queen of Siam, album du jour, que je vais détailler, qui paraît en 1980. Comme le dira aussi Lydia Lunch dans un film que j'ai pu voir très récemment, c'était un très chouette film d'ailleurs, de Bette B, c'était présenté à Fame à la toute fin 2019, un festival Fame qui prend chaque année place à la Gaîté Lyrique, et festival du film de musique. Dans cette agiographie un peu consacrée par Bette B, qui était aux côtés de Lydia Lunch d'ailleurs dès le début des années 80, elle la clippera très tôt. Lydia Lunch dit, voilà, New York c'est le trou du cul des Amériques, quoi. Un trou du cul parfait pour les communautés, pour les artistes, pour les musiciens. Voilà. voilà Campé, le fameux No Wave, le fameux No New York, qui, comme je l'ai expliqué en exergue, est un peu qui va s'ébattre sur les cendres chaudes du punk. Alors, on va régler tout de suite notre compte, d'ailleurs, avec l'appellation et le genre dit No Wave. Le genre No Wave en tant que tel a jamais vraiment existé. L'étiquetage No Wave dans les bacs de disquaires est quelque chose de relativement récent. Dans la fin des années 70, même au tout début des années 80, on ne voit pas le truc apparaître. Alors le mot est dans l'air. Pourquoi ? Parce que ça recouvre énormément de sensibilités, énormément de pratiques. Et un geste original qui est celui d'une compilation. La compilation bien nommée No New York. Et spécifiquement d'ailleurs écrite et intitulée No NY, et bien sûr par NY, hein, NY, on entend bien New York City. La compile d'ailleurs révèle vraiment les instantanés les plus chauds du downtown New York de l'époque. Ça commence avec les Contortions de James Chance, ou James White, hein, on peut prononcer les deux selon. Teenage Jesus on the Jerk, tout le monde disait Teenage Jesus, et Teenage Jesus, bah, c'est Lydia Lunch, oui, c'est son groupe, le premier groupe, dans lequel aussi apparaît James Chance. Et autre groupe, pas anodin non plus du tout, Mars et DNA, avec donc l'ADN d'Arto Lindsay comme guitariste, chanteur, leader du groupe. Voilà. Et toute cette écurie est fédérée par un label assez particulier et qui va devenir très important. C'est le label The Record, qui est fondé par un Français, Michel Esteban, c'est un Lyonnais. Et le label va faire feu de tout bois. C'est-à-dire qu'il va produire aussi bien le noise bouillonnant de New York City que rapidement les tubes certifiés de Kid Creole. Kid Creole and the Coconuts. Et entre les deux, bah, il y a invité autant Suicide que Lizzie Mercier des Clous, Patrick Vidal et Garçon, la chanteuse néo-disco Christina. Enfin, il y a voilà. Donc ça tente à nous montrer que le Noël n'est effectivement pas du tout un style, pas un seul en tout cas, et que ce n'est pas du tout l'étiquette qu'on va lui coller plus tard. Dans ce mouvement vont se croiser bah, le punk et le funk, le noise et le disco, et un peu tout ce que vous voulez. Mouvement d'où vont émerger des pratiques aussi qui touchent tous les arts connexes de la musique à l'époque. Hein. En littérature, on peut penser à Cathy Hacker. Dans la danse, on peut penser à Carole Hermitage aussi. Et puis il y a particulièrement aussi un cinéma no wave, si on veut. J'utiliserai finalement souvent l'expression aujourd'hui, tout en la revendiquant moyennement. Mais de ce cinéma qu'on pourrait appeler no wave, va émerger des réalisateurs assez importants, comme Amos Poe, qui disparaîtra, hélas, en tout cas, qui va perdre un peu sa foi à Hollywood. Richard Kern, alors qui reste, lui, extrêmement important pour des clips, des courts-métrages extrêmement sulfureux. Lydia Lunch va y participer énormément. Et puis on peut citer dans la foulée alors un réalisateur qui lui aura une carrière durable comme Jim Jarmusch. Voilà. Et alors dans ce contexte, Lydia Lunch elle est déjà très bien repérée. C'est pas du tout une inconnue. C'est même déjà une icône avant même qu'elle sorte son premier album. Alors pourquoi ? Parce que d'abord le premier album de Lydia Lunch va apparaître après des maxi 45 tours signés notamment par Teenage Jesus and the Jerk, j'en parlais, et plusieurs maxi consacrés, celui d'un groupe légèrement plus mineur mais très intéressant aussi, 8-8 Spy, dans lequel Lydia Lunch va laisser un 45 tours, un ou deux maxi et un album. Voilà. Donc, avec ce contexte-là, l'album de Lydia Lunch arrive pas comme une découverte, mais la consécration de quelque chose qui est déjà là. À la fois celle d'un personnage et à la fois celle de cette époque ultra bouillonnante du New York de post-punk. Donc, aujourd'hui, je vais me livrer. On va se livrer à une écoute presque morcelée parce que le disque comporte deux faces. Alors oui, évidemment, ça paraît une évidence, hein, la palissade de dire qu'un album ça a une face A, une face B. Bon, alors bien plus tard, non, le CD a nivelé tout ça pour une seule et même face. Mais n'oublions pas le concept des faces A et des faces B. Plus que pas mal de disques, finalement, je trouve que le Queen of Siam de Lydia Lunch en joue définitivement bien, parce que là, il y a clairement, effectivement, deux attitudes absolument distinctes. Sur la face A, un disque avec trois titres sombres qui vont ouvrir le disque, dont une reprise à fleur de peau, absolument belle, de Billie Holiday. C'est le morceau Bloody Sunday. Oui, rien que ça. Et croyez-moi, vous entendrez Lydia Lunch est rien et pas du tout ridicule en réinterprétant Billie Holiday. Elle est au contraire absolument, absolument sublime. Et puis vous voyez, on entendra un détournement aussi. Alors là, c'est beaucoup plus jovial, pratiquement comme morceau, un détournement d'un semi-classique des Zombies, alors groupe anglais dont on se rappelle, les Zombies avaient signé Spooky, et ce détournement de sexe, c'est-à-dire il est genrifié et chanté par une femme et scandé par Lydia Lunch, achève de camper un petit peu le personnage de Lolita perverse que renvoie Lydia Lunch. Parce qu'il faut dire qu'à la fin des années 70, Lydia Lunch est totalement iconographiée. Sur la pochette du disque, par exemple, Queen of Siam, elle est vêtue de cuir sadomaso, avec des piques complètement saillantes. Voilà, on la voit ailleurs en jartel bondage, dans d'autres photos. Elle commence à être l'égérie trash porn, très branchée des courts-métrages expérimentaux de Richard Kern, le réalisateur que j'évoquais tout à l'heure. Elle continuera à l'être, hein, jusqu'à la fin des années 80, d'ailleurs. Donc, elle est la créature absolument... sulfureuse en devenir, voilà, tout en étant en même temps introduite dans la collection permanente du MoMA, parce que les films de Richard Kern restent des films d'art. Voilà, et cette première phase campée, je viendrai ensuite sur la deuxième phase, et donc je la présenterai à la césure de cette présentation, parce que c'est elle, là vous allez entendre une phase totalement jazz, avec quelques morceaux de jazz, pour quasiment tous, orchestrés par le Billy Verplank Orchestra, donc dans une atmosphère de big band, quasi swing. Alors évidemment, le quasi mérite des parenthèses et je détaillerai pourquoi tout à l'heure. Alors en attendant, cette fameuse face A, justement, le disque est relativement court, hein, 32 minutes au total, mais vous allez voir quelle intensité. Et les 6 titres avant de nous amener sur cette face B, Mechanic Flattery pour commencer, et puis juste ensuite, vous entendrez cette reprise de Gloomy Sunday, absolument extraordinaire, empruntée à Billie Holiday. Bonne écoute sur Cagocult Occulte et bonne découverte, plutôt redécouverte, de ce disque essentiel de Lydia Lunch, Queen of Siam, 1980. Fingers, my wrist made of sand. Don't be afraid of what's gonna happen. Elbows to ankles, my fists out of place. I turn around backwards and off slides my face. Splintered, shattered, dissolving my skin, my tongue.

if you'd like to go with me and see a movie. First you say no, you've got some plans for the night, and then you stop and say, alright, love is kinda crazy with a spooky little boy like you. You always keep me guessing, I never seem to know what you are thinking. And if a girl looks at you, it's for sure your little eye will be a winking. I get confused, cause I don't know where I stand. And then you smile and hold my hand. Love is kinda crazy with a spooky little boy like you. Proposed on Halloween. Love is kinda crazy with a spooky little boy like you. Bongos Atomiques de Lydia Lunch. C'est comme ça que se ferme la dernière face du... Enfin, le dernier morceau de la première face du disque Queen of Siam que je campe aujourd'hui. Et je trahis effectivement ce que j'ai instauré depuis 5 volets maintenant avec Cargocul, c'est-à-dire l'écoute complète d'un album sans intervenir au milieu. Ah, que diable vais-je m'y mettre maintenant ? Ben oui, j'ai bien envie d'intervenir parce que la face B qui va suivre est la plus étonnante de l'album. La face A est déjà remarquable, mais la face B l'est encore plus. Et à plein de raisons. Alors la première, la plus évidente, c'est que c'est une face jazz, quasiment entièrement jazz, et surtout campée par un grand orchestre. Un big band à l'ancienne, le Billy Verplank Orchestra. Alors, étrangement, mais peut-être pas si étrangement que ça, une certaine forme de jazz est dans l'air hein, dans cette époque new-yorkaise. Enfin, ce qu'on a tout fait d'appeler un punk jazz, finalement. Pour exemple, Jam Chance et les Contortions, mais aussi les Lange Lizard, d'où va émerger le saxophoniste John Lurie. John Lurie sera aussi un acteur chez Jim Jarmusch assez rapidement. Et, pour s'en rappeler quand même, le premier album du groupe, le plus intéressant d'ailleurs, chez les Lange Lizard, se distingue en intégrant les Volute Noise du guitariste Arto Lindsay, donc Arto Lindsay, le mentor du groupe Mars, dont je parlais en introduction tout à l'heure. Et Arto Lindsay va aussi connaître une carrière solo remarquable qui court jusqu'à aujourd'hui. Et alors, dans cette fenêtre, et spécialement donc en sideman de l'album Queen of Siam de Lydia Lunch, un musicien absolument exceptionnel et que l'histoire a absolument pas retenu, c'est Robert Quine. Robert Quine, c'est le secret le mieux gardé de la no-guitare dans ces époques no-wave. Robert Quine commence en tant que... Il est le guitariste, en fait, des Void de Richard Hell. Le fameux Blank Generation, voilà, et surtout l'album, ainsi que le deuxième album qui sera signé en 82 par Richard Hell, mais le groupe aura déjà splitté au moment de l'album, se trouve effectivement ce guitariste-là. Bon, le problème, c'est que c'est un guitariste qui est arrivé trop tard, quoi. C'est un guitariste qui était un fan absolu du Velvet Underground, dont il a d'ailleurs suivi abondamment les carrières. Quand il était étudiant, il enregistrait en semi-pirate sur des cassettes la plupart des concerts où il pouvait aller. Alors, ce qui lui a donné une proximité avec le groupe. Hein. D'ailleurs, ces fameuses cassettes, ces fameuses tapes ont été éditées, mais bien plus tard, dans les années 2000, sous le nom des Quine tapes. Mais revenons à Robert Quine, parce que je profite de cette fenêtre sur ce portrait de Lilian pour faire une fenêtre sur lui. Parce que c'est un guitariste qui a relevé le plat, relevé la sauce de tous les gens qu'il a accompagnés. Le plus remarquable qu'on pourrait citer d'ailleurs, et puis ça nous relie finalement au Velvet Underground, c'est Lou Reed. Et derrière l'album Blue Mask, ainsi que la tournée qui va derrière, Robert Quine, il fait belle impression. On le voit aussi dans la galaxie de John Zorn, il est sur l'album Rain Dogs de Tom Waits, il ira même convoler avec les Anglais de Manchester, Lloyd Coyle. Donc... Ce guitariste, non, même, non, est tellement pas dans l'époque. Il a un look de beau, avec des lunettes de flic américain, chips sur son moto, un peu bedonnant. Voilà, c'est un homme qui vit pour la guitare, pas la guitare, et pas pour le look. Lui, il n'est pas iconographié par Richard Kern, et il ne le sera jamais. Mais, c'est un homme qui fabrique un son, c'est un homme qui fabrique un style et qui, à l'évidence d'ailleurs, va influencer des leaders qui vont être beaucoup plus visibles que lui, pratiquement au même moment. Et après, Arto Lindsay, j'ai prononcé son nom, Marc Ribot, qui va être aussi assez brillant et très technicien, avec un certain jazz aussi, à la fois détourné et ultra assumé. Donc, il y a chez Robert Quine quelque chose de beaucoup plus rock, beaucoup plus rauque, mais un vrai confort aussi avec le jazz. Et vous allez l'entendre sur toute cette phase de l'album, il est en sublime contrepoint avec le chant de Lydia Lunch. Chant qui lui-même sublime de Lydia Lunch. C'est-à-dire que Lydia Lunch, je la présentais comme une chanteuse de jazz, elle y excelle. Elle chante d'une voix comme d'ingénu pervers, absolument magnifiquement dosée. Elle chante à côté du tempo, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire finalement, en étant avec ce contrepoint permanent avec Robert Quine, qui va être d'ailleurs corroboré par des effets de studio quasiment proto-électroniques. On entendra de la guitare en reverse, un montage comme ça, à la fois brutal et élégant. Je crois que c'est une merveille qui a très peu d'égal ailleurs, et que ce soit d'ailleurs dans le jazz ou toute autre musique. C'est donc cette face B, fameuse face B, pour moi la plus sublime de l'album Queen of Siam de Lydia Lunch. Bonne écoute, on se retrouve juste après. need an A. If you're gonna be there, don't be late. Instructed as such, without a soft touch. If it would have mattered, it didn't too much. I waited for you a minute or two. Which is what kind of a girl do you think I am? Fumbling around a cigarette, smoked it to the ash and then lit up again. Blowing smoke rings, blind in the air. If you're coming, baby, you're just too in arrears. I'm too impatient and you're just too late. My attention span is just not that great. Then this young kind of guy walked right on by me. I couldn't have been more than 16. There's just nothing I can do, you gotta understand, you see. He had this walk, I mean, down pat, and no, he wasn't going in my direction, so I just kind of turned around. I had to, I was really possessed. I mean, I wasn't myself. I was so close, I crept like a cat. Visions of seduction lurking under my hat. He was so young, such innocence. If I had control, I didn't feel any yet. I couldn't be heard, not a sound did I make. If this is the real thing, there's just no need to fake. So now is the time, the crucial eighth mile. If I had to do it, it'd be with a smile. A tap on his back, a slip of my belt. He turned around and I knew that the ground would melt. I put on the ice, the smile was gone. Hey baby, remember? Thank you. Hey, don't laugh at him just because he's fat. I'm the fat man. You're the fat man. Who's the fat man? I'm the fat man. He's the fat man. I am the fat man. I thought I was the fat man. Well, let's get this straight. Now, who's the fat man? I'm the fat man. Listen. I've been the fat man around here. Wait, buddy, there's no room in the studio for both of us. Listen, I'm the fat man. I'm the fat man. Well, you both look pretty fat to me. Who is fat? The fat man or the fat man? Thank you. slow and heaven sent. The ringed worm screams, corpse in my guts. The doe lies dead with veins of lead. A crown of thorns on haloed head. Depths of the woods, deep fluid flows. A leaf sap reeks, my eyelids leak. Prodigy plowed boy from deep white letter piss, a spray mislays the blonde of leech, hurt and hell bent, the scent of din and heaven sent, a crown of thorns on haloed head. Dernière note, lâchée par Robert Quine. Voilà, c'est l'homme qui dialogue avec Lydia Lunch. Lydia Lunch qui chante, Lydia Lunch qui parle. Elle signe là son premier album. Hein, donc, je le rappelle, Queen of Siam, c'est notre album du jour. Il se conclut là. J'étais heureux aussi de peut-être mettre l'accent sur Robert Quine, parce que les losers magnifiques, et même pas magnifiques, dans l'occurrence Robert Quine, méritent souvent d'être réhabilités. Et c'est quand même un guitariste qui fabrique un son et va être bien plus influent qu'il n'y paraît. C'est étrange parce qu'on trouve probablement une équivalence de l'autre côté de l'Atlantique, en Angleterre, avec un autre guitariste absolument important, mais qui n'a jamais été valorisé pour lui-même. Finalement, c'est Keith Levin. Keith Levin qui va faire le son de Public Image Limited. J'aurai probablement l'occasion d'y revenir, parce qu'il ne serait pas étonnant qu'il y ait un album de Public Image qui vienne camper les colonnes de Cargo Cult dans ces prochaines semaines. Lydia Lunch, elle, de son côté, bien sûr, va continuer sur la lancée, et avec un brio excellent. Hein. Ce premier album va ouvrir la voie à une quasi-dizaine d'albums officiels, en tout cas signés sous son nom. Il va y avoir maintes et maintes collaborations. Je pense à celle avec Sonic Youth, hein, par exemple, qui va être clippée, là encore, par Richard Kern, pour le morceau Death Valley 69. Donc là, l'icône est en marche, j'ai envie de dire. Cette iconographie, alors, violente, arty et violente à la fois, sexuelle plus que sexy. Il y a cette phrase assez belle que j'ai attrapée dans le film de Beth B, dont je parlais tout à l'heure, « The War is Never Over », film très récent, hein, sorti en 2019. Et elle dit « I'm not doing sex, I am sex ». Voilà, est-ce que j'ai besoin de traduire ? Voilà, je ne fais pas le sexe, je suis le sexe. Voilà. Et avec une certaine véhémence, probablement plus radicale même encore que ce look en demi-teinte qu'il y avait dans l'album Queen of Siam, va la rendre encore plus célèbre par la suite. Et bravo. On a besoin de Lydia Lunch, qu'on se le dise. C'est une évidence, hein, elle va ouvrir la voie à un féminisme punk ou post-punk radical. Hein. Toutes les Riot Girls lui doivent quelque chose, on s'en doute bien. Elle va trouver en France, avec Virginie Despentes, une alliée, hein, enfin une sœur d'armes de premier choix, même, j'ai envie de dire. Donc, Lydia Lunch aura même. En 2012, si je ne m'abuse, elle va faire une tournée un peu rétrospective, quand bien même sa carrière est loin d'être finie, mais avec son groupe, elle va rejouer comme ça les classiques. Certains qu'on a entendus aujourd'hui ont été rejoués. Et vous savez comment s'appelait le groupe composé par Lydia Lunch à cette occasion en 2012 ? Rétrovirus. Quand je vous dis qu'on a besoin de Lydia Lunch. Lydia Lunch, c'est notre rétrovirus. Merci à elle. En bonus track, histoire de s'évader un petit peu, ça nous servira de générique de fin. À mesure du possible, je prendrai l'opportunité dans Cargo Cult comme ça d'ajouter une bonus track. On va écouter. Robert Quine, justement. Justement, je continue à lui rendre hommage. Robert Quine est disparaît en 2004, je crois. Disparition est sordide, il meurt d'une overdose d'héroïne. Une overdose supposée d'ailleurs volontaire, puisque sa femme était morte quelques mois auparavant. Et voilà. Donc, le disque de Robert Quine qu'on entend là n'est pas encore un disque de Robert Quine, il n'y en a pas sous son nom. Il est là comme un sideman, mais là il est quand même d'immensité. Et c'est un album trio que je trouve très très intéressant, puisque Robert Quine est associé à un autre guitariste, Mac Ribot, et Ikumori, Ikumori, qui est une percussionniste très subtile et fine dans ce disque-là, mais qu'on a entendu par ailleurs de manière beaucoup plus tapageuse, puisque c'était la percussionniste batteuse du groupe DNA. DNA, l'ADN dont je parlais tout à l'heure, d'où est issu le guitariste Arto Nielsen. Voilà, ce disque, en étant la personne, a été signé par John Zorn, alors un autre mentor de cette galaxie new-yorkaise, une galaxie qui va probablement s'exprimer après, d'ailleurs, les rageurs de la dite No Wave. Mais bon, évidemment, hein, New York est toujours debout, avec ou sans rétrovirus, avec ou sans antivirus. Merci d'avoir écouté un de mes disques préférés avec moi, parce que j'ai pas peur de le dire, je crois que c'est un des disques qui m'a accompagné. Je chattais tout à l'heure avec quelqu'un en ligne, et c'est peut-être un des rares disques, j'en ai bien sûr beaucoup, mais c'est un des rares disques qui m'aura accompagné toute ma vie sans Molly. Il n'y aura pas eu une fenêtre pendant un an où je m'en fous, j'aime plus ce disque. Non, il fait partie un disque de chevet, quoi. Bon, on va voir Lydia Lunch à son chevet, il y a peut-être pire dans la vie. À bientôt, la semaine prochaine. On campera l'histoire d'un album assez fascinant. C'est celui de Joe Meek, I Hear a New World. Bonne écoute au programme d'Antivirus. Et bonne semaine à tous. Thank you. merci pour tout votre soutien sur le chat et tout. Ainsi, je ne serai pas le seul amoureux de Lydia Lunch. Incroyable. La semaine prochaine, Joe Mick. Soyez tous aussi amoureux de Joe Mick, il en vaut la peine. Bon, il finira mal. C'est pas le cas de Lydia Lunch, ce qui est tant mieux. Et son disque absolument extraordinaire, totalement improbable, I Hear the New World. C'est un disque qui avait été signé en 1960, enfin réalisé en 1960, mais qui est sorti en 2001. Pourquoi 40 ans d'écart ? Eh bien, nous l'apprendrons la semaine prochaine. À bientôt !